quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire du ciel. Ce matin, histoire du ciel chinois. Ce matin, après avoir suivi le trajet des météorites tombant sur notre Terre, c'était hier, et lundi et mardi, la Terre vue du ciel par les avions, autant pour l'archéologie aérienne que pour les bombardements aériens, nous allons nous demander ce matin donc comment la culture chinoise a envisagé le ciel au-dessus de nos têtes. Est-il d'ailleurs toujours au-dessus de nos têtes ce ciel, ou bien peut-il être parfois en nous? Pourquoi l'empereur est-il surnommé le fils du ciel, et cela a-t-il toujours été le cas? Bref, peut-on, faut-il historiciser le ciel chinois? C'est ce que nous allons voir avec notre invité d'aujourd'hui, Stéphane Feuillas. Il est professeur des universités à Paris Diderot et il est spécialiste de littérature et de pensée chinoise classique. Bonjour Stéphane Feuillas. Bonjour et merci de cette invitation. Et merci à vous d'être ici. Alors effectivement, comme tout bon exposé, on va peut-être commencer par l'énoncé. Faut-il parler d'une histoire du ciel chinois? Faudrait-il parler d'histoire au pluriel du ciel chinois ou d'histoire au pluriel des ciels chinois, parce qu'ils nous ont peut-être été évolutifs tout au long de l'histoire de cette très longue culture, Stéphane Feuillas? Oui, je crois que dans un premier temps, il faut penser à la Chine en termes véritablement d'évolution historique et peut-être cesser de considérer qu'il s'agit d'un bloc que nous pourrions regarder de l'étranger avec du point de vue de Sirius. Donc, il y a d'abord une histoire qui est valable pour toute une série de notions, et en particulier pour la notion de ciel, puisqu'elle évolue dans différents registres. Elle a d'abord un aspect astronomique et politique lié, puis ensuite elle va devenir quelque chose de beaucoup plus éthique, pour finir en définitive par exprimer quelque chose qui correspond à la puissance vitale qui est contenue en tout être vivant, et en particulier en l'homme. Alors, commençons par le début. À partir de quand voit-on apparaître dans les premiers écrits, et en particulier les écrits divinatoires, cette notion de ciel? Peut-on déjà donner un cadre chronologique à notre réflexion sur 50 minutes avec vous, Stéphane Feuillas? Alors, les premières occurrences en fait d'un caractère que l'on peut identifier comme le ciel apparaissent sur les carapaces de tortues ou sur les ossements de bovidés, mmh, aux alentours de 1300 avant Jésus-Christ. Bon, il s'agit à l'origine de textes qui sont notés sur ces supports pour authentifier des pratiques divinatoires, et dans ce cadre-là apparaît d'abord l'écriture chinoise et en particulier les premiers caractères que l'on identifie comme étant ceux du ciel sous la dynastie des Shang, donc qui a duré de 1500 en gros avant Jésus-Christ jusqu'à 1045 avant Jésus-Christ. Alors ce caractère est-il composé? Alors évidemment on est à la radio, c'est difficile de le décrire ce caractère, mais il faut toujours, quand on s'intéresse à l'écriture chinoise et à son évolution, décrire les caractères, parce que cela est aussi la traduction d'une pensée qui évolue, comme vous l'avez dit, Stéphane Feuillas. Alors d'abord, ce caractère est composé comment dans les premières occurrences de ce mot ciel, quand on le trouve sur ces ossements de bovidés qui servent de pratiques divinatoires? Alors la première forme que prend ce caractère, c'est, on la comprend comme en fait un homme dont les membres inférieurs et les membres supérieurs sont écartés. Mmh. Et cet homme est surmonté d'un trait qui figure vraisemblablement la tête, mais qui figure aussi peut-être l'horizon. Mmh. Donc on a une représentation qui est presque anthropomorphique d'une certaine façon du ciel. Et ça, c'est l'interprétation qu'on trouve sur les carapaces de tortue, qu'on peut faire à partir des carapaces de tortue. Et une fois que le caractère est simplifié, il est composé en fait d'un caractère qui signifie grand, surmonté d'un ciel. Donc évoquant en fait l'idée d'un trait qui évoque le ciel, et on peut penser par là qu'il s'agit en fait de la totalité. Ce caractère évoque l'idée de totalité. Donc on a deux interprétations possibles, soit un homme véritablement une vision très anthropomorphique du ciel, soit en fait quelque chose qui renverrait à l'idée d'une totalité unifiée. Alors il faut rappeler, Stéphane Feuillas, que dans la façon de concevoir l'étymologie en Chine, comme d'ailleurs dans les étymologies fantaisistes qu'on a pu avoir au Moyen-Âge ou à l'époque moderne en Europe, à propos du latin, du français ou d'autres langues pratiquées dans cet espace géographique européen, eh bien il y a là aussi des étymologies qu'il faut réinterroger, dont il faut se poser la question de savoir pourquoi elles ont été énoncées à tel moment et qu'elles correspondent généralement à une phase d'histoire politique ou militaire de ces royaumes chinois. Oui, je crois que vous avez raison d'insister là-dessus. Il est assez courant aujourd'hui de lire des explications de certaines notions à partir des caractères. Or, là encore, sur ces étymologies, on a des variations très très grandes selon les périodes. Si l'on prend le caractère qui signifie le roi, ce caractère est composé de trois traits horizontaux, barrés d'un trait vertical. Bon, l'idée de royauté serait donc, selon cette étymologie, la superposition de trois traits, du ciel, de la terre et de l'homme. L'homme en position médiane, et le roi serait donc celui qui réalise l'union en la fait liaison. De ces trois registres de la réalité, le ciel, la terre et puis la réalité humaine. Or cette étymologie, rien n'indique qu'elle soit réelle, et les caractères les plus anciens, les versions les plus anciennes que l'on a de ce caractère n'indiquent pas du tout cet aspect-là. Donc en fait, il faut se méfier de manière générale de toutes ces étymologies, et parce qu'en fait, on croit trouver le dernier mot dans cette écriture idéographique, et la plupart du temps, en fait, on se trompe. Alors, si on veut ne pas se tromper, il faut aller pas à pas avec vous, Stéphane Feuillas, sur cette question du ciel chinois, et en particulier partir avec pour bagage soit la pensée de Simon Leys sur l'autre fondamental que serait justement pour les Européens la Chine et cette culture chinoise, ou encore la pensée de Jacques Gernet qui a compté énormément dans la sinologie française, qui dit quand on a une pensée véritablement étrangère, eh bien il faut respecter aussi l'immense tradition qui la porte, et donc prendre en compte cette longue et longue histoire justement, et ne pas l'objectiver en un seul bloc. Il va falloir donc découper progressivement notre histoire. Vous nous avez dit donc que ce terme de ciel naissait en tout cas dans les inscriptions que l'on trouve, et il est fort important de noter que l'archéologie a une grande part dans les redécouvertes récentes de l'histoire de cette région et de la Chine aux alentours de 1500 avant notre ère. Comment cela évolue-t-il, et comment passe-t-on de ces premiers textes divinatoires à autre chose, à une pensée qui ne serait pas simplement divinatoire, en l'occurrence Stéphane Feuillas? Alors pour ce qui est de cette première dynastie donc des Shang, donc qui dure de 1500 à 1045 à peu près, en fait le ciel apparaît mais ne joue finalement un rôle très secondaire dans les textes qui nous sont parvenus. On a toute une série de sacrifices qui sont faits à des divinités, sacrifices à des montagnes, sacrifices à des fleuves, sacrifices bien sûr à la terre ou à l'autel de la terre, mais on n'a pas véritablement de sacrifice au ciel. On a en revanche un grand sacrifice à une divinité dont on ne sait pas encore vraiment à quoi elle renvoie, qui serait le Shangdi, le grand ancêtre. Alors, s'agit-il du grand ancêtre de la dynastie des Shang, ou s'agit-il du grand ancêtre de toute la réalité? On ne sait pas véritablement. Toujours est-il que ce terme de ciel est assez marginal, finalement. Et il n'est pas aussi central qu'il le sera plus tard. Qu'il le sera plus tard. Et il commence à prendre véritablement une signification importante avec la dynastie suivante, celle de la dynastie des Zhou, donc qui dure de 1045 jusqu'à la fondation du premier empire en 221 avant Jésus-Christ. Et cette dynastie, en fait, remplace ce souverain, cet ancêtre primordial de la dynastie précédente par le ciel. Et c'est à ce moment-là que vont être faits des sacrifices au ciel et que le lien entre le pouvoir et le ciel va être progressivement construit. Alors le ciel, c'est Tien, c'est ça ? Le ciel, c'est Tien, oui, bien sûr. Et donc, on va passer de... Est-ce qu'on peut dire, par exemple, j'ai cru lire, en particulier dans cet excellent manuel qui permet de tout comprendre, ou presque, de la pensée chinoise, quand, comme moi, on n'y connaît pas grand-chose, l'histoire de la pensée chinoise de Han Cheng, qu'on trouve en point essai, qu'il y avait donc ce souverain d'en haut, déjà nous dit quelque chose de ce rapport à une sorte, ce qu'on pourrait appeler transcendance, mais ce n'est peut-être pas d'ailleurs de la transcendance pour la pensée chinoise, Stéphane Feuillas. Alors, ce souverain d'en haut, c'est donc le Shangdi en question, de la dynastie des Shang, précisément. Donc la dynastie précédente à celle du premier millénaire avant Jésus-Christ. Sur cette divinité ou sur cette réalité-là, on ne sait finalement assez pas peu de choses. Chose. Pour l'instant, on n'arrive pas, à partir des documents qui nous sont parvenus, divinatoires qui nous sont parvenus, à savoir véritablement à quoi renvoie ce terme. Le terme de ciel, lui, va prendre une connotation beaucoup plus précise avec la dynastie suivante et évoquer donc la dimension naturelle, sans que l'on sache véritablement s'il s'agit d'une divinité ou s'il s'agit d'une puissance naturelle. Alors, on peut dire qu'il y a ce couple, on pourrait le penser comme un couple, parce que à l'européenne, on pense souvent en termes de couple, qui serait le ciel et la terre, mais évidemment, ce couple, il est perturbé, ou au contraire, complété, amendé, par la présence de l'homme, qui en fait un trio, au bout du compte, en l'occurrence, Stéphane Feuillas. Donc, il va y avoir, au cours de la dynastie donc des Zhou, c'est-à-dire dans le premier millénaire avant Jésus-Christ, la construction progressive, en fait, d'une triade, le ciel, la terre et l'homme, donc qui vont être considérés progressivement comme les trois puissances efficientes dans le monde et qui, à ce titre, doivent être mis d'une certaine façon à parité. Alors, il y a un autre personnage qui n'est plus à parité, qui commence à apparaître justement après cette dynastie des Zhou, c'est justement la dynastie des Qin, et donc la naissance d'un roi qui n'est plus un roi, qui devient ce qu'on appelle aujourd'hui le premier auguste empereur, ou un empereur en l'occurrence. Et là, on se situe en 221 avant notre ère, et on peut dire que là, il y a un transfert de sacralité, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans le rapport entre un humain, l'empereur, et le ciel, et la primauté qui est donnée à cet humain sur tous les autres humains dans le rapport au ciel, peut-être Stéphane Feuillas. Oui, alors les choses se fixent véritablement à partir de la première dynastie, mais surtout avec la dynastie qui lui fait suite immédiatement, la dynastie des Han, où l'on va avoir là un modèle politique qui va être véritablement construit, qui va faire en fait de l'empereur le garant du ciel sur la terre. Et le témoin du ciel sur la terre d'une certaine façon, mais aussi le représentant du ciel sur la terre. Cette évolution, en fait, elle est assez longue. Elle se fixe véritablement avec la dynastie des Han. Bien. Donc cette dynastie qui est à cheval sur avant notre ère, après notre ère, troisième avant. Oui, c'est ça. Troisième après, donc à peu près. 200 ans avant Jésus-Christ, 200 ans après Jésus-Christ. Mais cette dynastie relaie un certain nombre de choses qui étaient déjà présentes auparavant. C'est-à-dire cette dynastie va faire de l'empereur le fils du ciel. Mm-hmm. Mais la notion de fils du ciel apparaît dès le 8e siècle avant Jésus-Christ dans un certain nombre de poèmes du livre des Odes compilé par Confucius. Et le lien qui va être fait entre l'autorité sur terre et parmi les hommes et l'autorité céleste est assez ancien. Pourquoi parle-t-on du fils du ciel à proprement parler? Eh bien, tout simplement parce que celui qui incarne le pouvoir obtient sa légitimité du ciel. Et en tant que fils, il doit comme le disent tous les Chinois, payer un certain nombre de dommages et de respect. De tribut à son père. De respect, de tribut à son père. Qu'est-ce que le ciel dans les textes les plus dans les anciens, représentations, oui, dans c'est les, ça. Dans les représentations, en fait, c'est le premier. Il y a deux façons de le voir. Il y a d'un côté donc une puissance qui va être considérée comme une puissance relativement punitive, qui envoie un certain nombre de messages lorsque l'ordre social ne se conforme pas à l'ordre dit céleste, c'est-à-dire en fond l'ordre naturel. Une sorte, sans faire le parallélisme, de Christ Pantocrator qu'on peut trouver dans l'Église orthodoxe, c'est-à-dire ce Christ qui est là pour fustiger les humains si, au bout du compte, il dévie de la voie, en l'occurrence. Oui, c'est ça. C'est une divinité, une entité, disons, qui sanctionne et récompense. Hein. Donc, la dimension de sanction est quand même beaucoup plus fortement accentuée que celle de récompense. Et ça, on le trouve avec le premier contradicteur de Confucius, qui est un auteur appelé Mozi, un penseur utilitariste, mmh, et qui a besoin, pour construire un ordre social, d'une puissance qui soit une puissance terrifiante. Et cette puissance terrifiante est incarnée par le ciel, avec toute une série de messagers qui vont être des démons, lorsque l'ordre social n'est pas assuré par le maître des hommes. Alors ça, c'est une vision du ciel, pourrait-on dire, ce ciel qui foudroie les humains quand ils dévient de la voie. Oui, c'est la première véritablement vision du ciel construite. On parle à ce moment-là d'intention du ciel. Et cette idée-là va être développée ensuite par Mencius, qui est au 4e siècle avant Jésus-Christ, celui qui est considéré comme le continuateur et l'explicitateur, c'est un mot un petit peu difficile et peut-être qu'il n'existe pas. On va faire une étymologie originale pour ce terme-là. Donc, celui qui continue dans la tradition chinoise la pensée de Confucius et qui essaie, lui, de considérer, d'expliquer pourquoi, en fait, on parle de fils du ciel. Parce qu'il dit clairement que l'homme tire son pouvoir, le souverain tire son pouvoir du ciel. Et qu'est-ce que le ciel ? Eh bien, c'est une entité que l'on ne peut percevoir que par les yeux et les oreilles du peuple. Donc, en définitive, qu'est-ce que le fils du ciel ? C'est celui qui a obtenu, en fait, l'assentiment du peuple, catégorie nouvelle qui émerge à l'époque. Et qui est au 4e siècle, au 4e siècle avant notre ère. Oui. Donc c'est le ciel dans ce cas-là commence à être réhumanisé d'une certaine façon puisque c'est les yeux et les oreilles de mon peuple. Dit Alors quel rapport entre la vision, pourrait-on dire, physique du ciel, ce ciel sous lequel on se trouve, et cette vision métaphorique, pourrait-on dire, qui soit foudroie, soit donne le pouvoir, soit accorde aux hommes la possibilité de vivre en harmonie, que nous trouvons dans les textes, en l'occurrence, Stéphane Feuillas. Est-ce que l'astrologie, est-ce que le regard porté sur le ciel et les étoiles, est-ce que ces choses-là sont à l'origine, sont parallèles, n'ont rien à voir, sont mélangées avec cette vision métaphorique ? On pourrait répondre dans un premier temps, en fait, que le ciel, c'est d'abord la régularité céleste. C'est-à-dire essentiellement la régularité du cycle le grand horloger. Voilà, du soleil et de la lune, des étoiles. Mm-hmm. Et à ce titre, il fournit une sorte de modèle. Donc un modèle de régularité dont la course est éternelle, immuable, et qui, d'une certaine façon, va servir effectivement de cadre général à toute la réalité. Donc ça, c'est un premier aspect du ciel. Le ciel, qu'on pourrait appeler astronomique, ou plutôt même calendérique, qui va être repris et développé sous la dynastie des Han, dont nous parlions à l'instant. Mais en même temps, le ciel conserve une forme de présence dans la vie humaine, comme quelque chose qui est à mi-chemin entre une divinité et une puissance tutélaire. Donc il va y avoir pendant la période de la dynastie des Zhou une tentative qui n'est jamais totalement aboutie de naturalisation du ciel. C'est-à-dire que on va passer de cette image d'une divinité foudroyante, punitive d'une certaine façon, à une réalité qui va être une réalité davantage naturelle. Mais l'idée d'une naturalisation complète du ciel ne se produira jamais en définitive dans l'histoire de la pensée chinoise, et les Chinois voudront toujours maintenir en fait cette ambiguïté, en fait, ne pas trancher entre un ciel nature et un ciel divin. C'est d'ailleurs ce dont on va discuter et continuer à discuter avec vous, Stéphane Feuillas. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With words and music I've been playing. For you I've written a song. To be sure you know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play amongst the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, play a song for me and let me sing forevermore. You are all I ask for, all I worship and adore. In other words, please. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une autre version de l'harmonie céleste, celle d'Ella Fitzgerald chantant Fly Me to the Moon en concert au Japon. Nous continuons avec vous notre discussion, Stéphane Feuillas, dans notre série d'émissions consacrées à l'histoire du ciel autour de la conception du ciel chinois. Vous nous avez bien expliqué depuis le début de cette émission combien il y avait eu déjà des évolutions entre 1500 avant notre ère et aux alentours de 200-300 avant notre ère. Il faut peut-être s'arrêter sur une personnalité que tout le monde connaît, dont on n'a pas encore cité le nom. Il s'appelle Confucius. Là, on est plutôt au 4e siècle avant notre ère, et ce Confucius, donc, est celui qui synthétise dans ses dits et paroles, dans ses écrits en particulier, cette notion de mandat céleste. Qu'est-ce que le mandat du ciel et qu'est-ce que le mandat céleste selon Confucius, et pourquoi cela a de l'importance dans la discussion que nous avons sur la place du ciel dans l'univers, dans la pensée chinoise? Oui, alors c'est assez compliqué en fait. Donc la notion de mandat céleste est effectivement considérée comme une notion globalement confucéenne. Confucius, qui vit de 551 à 479 avant Jésus-Christ, en fait, parle assez peu de cette notion dans le texte principal que l'on lit et que l'on rapporte à sa pensée, à savoir les entretiens. Il y a une petite formule qu'il dit qu'il ne, le maître ne parlait pas de violence, mais davantage de destin ou de mandat. Et cette notion va être davantage développée en fait par Mencius, donc aux alentours du 4e siècle avant Jésus-Christ, donc près d'un siècle plus tard. Et il va considérer effectivement que cette notion de mandat céleste va être la notion cardinale pour justifier de la légitimité du pouvoir. Alors qu'est-ce que c'est que le mandat céleste? Dans la conception de Mincius, que l'on rapporte ensuite un peu rétrospectivement à Confucius, le mandat céleste, en fait, c'est d'abord et avant tout l'assentiment du peuple sur la vertu d'un homme. La vertu, c'est-à-dire la puissance morale, certes, mais aussi le charisme, véritablement. C'est-à-dire, selon la conception chinoise, la vertu, c'est un pouvoir, en fait, d'irradiation, toujours lié à la lumière, mais c'est aussi un pouvoir d'influence et d'attraction. On peut faire le parallélisme avec la virtus romaine. Oui, d'une certaine façon, on peut l'envisager. D'abord, il faut l'envisager d'abord et avant tout comme une puissance, et la dimension morale n'est pas véritablement essentielle au début. Mais qu'est-ce que c'est que le mandat céleste? En fait, c'est l'idée que le peuple qui incarne en fait la totalité du ciel, eh bien, se tombe d'accord sur une personne censée la diriger. Hein. Donc c'est a priori le... C'est tout de même un renversement épistémologique, pourrait-on dire, par rapport à ce que vous nous racontiez de ces origines du ciel dans la pensée chinoise, où c'est une sorte d'entité qui foudroie le peuple, qui foudroie les hommes, s'ils s'écartent du bon chemin, en l'occurrence. Là, en l'occurrence, c'est la population, le peuple, qui fait le ciel, qui devient le ciel, d'une certaine façon, Stéphane Feuillas. Oui, c'est un véritable renversement qu'opère Mincius. Quand on demande à Mincius quelles sont les trois choses les plus importantes dans le gouvernement, ou dans l'ordre de l'État, eh bien, Mincius répond par ordre décroissant. La première chose, c'est le peuple. Ensuite, ce sont les autels du sol et de la terre, c'est-à-dire la dimension sacrificielle du pouvoir. Et enfin, vient en dernier lieu, le souverain. C'est-à-dire que le souverain, en définitive, est celui sur lequel, finalement, le pouvoir se pose, mais en dernier ressort, parce qu'il a d'abord obtenu, en fait, un assentiment qui est l'assentiment populaire. On peut se poser la question autour de Mincius, mais aussi auparavant de Confucius qui le précède, de savoir ce qui relève du ciel et ce qui relève de l'homme dans cette question, justement, entre la terre, le ciel, l'homme, ce trio qu'on a commencé à décrire avec vous, Stéphane Feuillas. Alors, justement, c'est une question extrêmement délicate, en fait, et Mincius donc répond à cette question en disant en fait la seule façon de connaître ce qu'est le ciel, c'est d'interroger en fait les hommes. Hein. Donc puisque les hommes sont des productions naturelles et des productions naturelles auxquelles on peut s'adresser. Mais ça c'est une première version de une première conception en fait du mandat céleste. L'autre conception en fait est une conception qui est beaucoup plus liée à une image divine du ciel, dans lequel en fait le pouvoir est échu à une vertu particulière qui est tout à fait isomorphe de la vertu céleste. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est, on l'a bien compris en vous écoutant, Stéphane Feuillas, c'est cette longue et lente évolution qui, évidemment, nous montre que cette pensée chinoise n'est pas fixée une fois pour toutes, mais qu'elle est accessible à tout un tas d'influences, de réflexions internes et externes, qui sont liées à la fois aux débats internes militaires ou politiques, mais aussi aux invasions, aux contacts avec d'autres cultures qui se mettent en rapport avec cette culture chinoise. On a bien compris en vous écoutant tout de même qu'il y a un lien très précis, très fort, entre la question du pouvoir et cette question justement de l'usage du ciel comme référence en l'occurrence. Et cela va toujours être le cas, même si on va faire évoluer ce rapport plutôt dans un sens plus, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire grand-chose dans l'espace chinois, j'imagine, mais plus démocratique, plus lié au peuple, ou au contraire plus autoritaire, en l'occurrence, Stéphane Feuillas. Oui, la notion de mandat céleste, elle court dans toute l'histoire impériale chinoise. Donc, et le ciel sera d'une certaine façon toujours lié à la politique, même si d'autres progressivement dans l'histoire chinoise, on aura peut-être le temps de l'évoquer, le ciel va s'intérioriser progressivement. Bien sûr, on y viendra. Mais dans l'histoire chinoise, en fait, le ciel et homme fonctionnent comme un couple donc indéfectible, et c'est particulièrement le cas sous la dynastie des Han. Donc à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ, où l'on considère véritablement que le ciel représente le macrocosme et l'homme représente le microcosme. Et entre le macrocosme et le microcosme, il y a des rapports d'identité. La tête de l'homme est ronde comme le ciel, ses pieds sont carrés comme la terre. Donc l'homme est un petit ciel-terre. Et il y a par ailleurs toute une série d'échanges qui se font par corrélation ou par correspondance. Donc le ciel envoie un certain nombre de signes, et ces signes doivent être interprétés comme par l'homme d'un point de vue politique. Mais justement, sous ces Han, j'ai cru comprendre qu'il y a des liens entre cette idée que l'homme devrait être lié au souverain, qui lui-même, fils du ciel, devrait être lié au ciel d'une certaine façon, comme une sorte de fil qui courrait du ciel à l'homme en passant par le souverain. Qu'en est-il exactement, Stéphane Feuillard? En fait, l'homme, c'est toujours d'une manière ou d'une autre, c'est une autre façon de désigner le souverain. Donc, quand on parle de l'unité du ciel et de l'homme, eh bien, en fait, par homme, on désigne la plupart du temps le souverain. Donc, là, on a toujours cette une pensée qui est assez difficile à interpréter. L'idée, c'est que le ciel envoie un certain nombre de signes pour, d'une certaine façon, corriger la marche des hommes. Et d'autre part, la voix humaine interagit aussi avec la voix céleste et influence la voix céleste. Donc si la voix humaine n'est pas véritablement suivie, il y a toute une série de désordres et de catastrophes naturelles qui s'ensuivent. Alors, justement, le cours du temps fait qu'il y a des changements, des irruptions, soit d'idées, soit d'hommes dans l'espace chinois auparavant. Comment ces irruptions sont-elles vécues, justement, comme bouleversement d'un ordre qui serait préétabli? Alors, ça peut être l'irruption du bouddhisme au premier siècle de notre ère, mais ça peut être aussi l'irruption mongole, par exemple, et la prise du pouvoir par des populations mongoles dans cet espace chinois. Comment, à différents moments de cette histoire, justifie-t-on le renversement de l'ordre qui normalement devait être assuré, cet ordre, par une bonne cohésion entre les hommes, la terre, le souverain et le ciel? Alors, pour tout ce qui concerne les périodes de désunion de l'histoire chinoise, qui sont très nombreuses, pas moins nombreuses que dans l'histoire occidentale. Absolument, et il y a une très très longue période qui va du début du 3e siècle jusqu'au début du 7e siècle, dans laquelle la Chine est véritablement morcelée en tout petits états. Et ces périodes, en fait, de désunion s'expliquent dans la pensée chinoise de manière un petit peu théorique, abstraite et idéologique par la perte du mandat céleste. Et cette perte du mandat céleste correspond en fait à la perte de la vertu par le souverain. Du souverain. De la vertu du souverain, qui conduit en fait à toute une série de révolte. Donc, lorsque ça c'est une idée que Mencius avait déjà développée, si le souverain ne se comporte plus en véritable souverain, eh bien il n'est plus un souverain, il est un tyran, et on peut mettre à mort un tyran. Donc il y a toute une série de jeux sur les mots qui font que le souverain n'est véritablement souverain que s'il possède cette vertu étant celle qu'il a obtenue du ciel, d'assentiment donc des populations. Mais j'ai cru comprendre que cette pensée chinoise, en particulier sur les légitimations du pouvoir étaient une pensée qui se refondait en repartant en arrière régulièrement, en replongeant dans les classiques, en allant chercher évidemment chez Confucius, mais pas simplement chez Confucius, c'est bien sûr ce que vous mentionniez tout à l'heure, Stéphane Feuillat, des idées et en les replongeant dans la réalité du moment. Donc il y a des cycles, pourrait-on dire. Il doit y avoir des cycles où on voit revenir le souverain tout-puissant, d'autres cycles où on voit revenir le peuple plutôt plus puissant que le souverain, en tout cas un souverain qui doit quelque chose à son peuple, en l'occurrence Stéphane Feuillat. Oui, il y a dans l'histoire chinoise de multiples façons de légitimer le pouvoir. Il y a donc la façon la plus traditionnelle et la plus courante, c'est effectivement de renvoyer constamment à la vertu du ciel qui, d'une certaine façon, délègue à un homme son pouvoir. Mais il y a d'autres façons qui légitiment le pouvoir uniquement par la force, hein, donc l'accession au pouvoir uniquement par la force, et ensuite par la réalisation de manière très concrète et très immanente de mesures politiques assez simples finalement. Vous êtes spécialiste de cette période qui court du 11e ou 12e siècle de notre ère, en l'occurrence. On est parti du 15e siècle avant notre ère et on est avec vous, Stéphane Feuillat, pour évoquer cette période qui correspond, chronologiquement, ça correspond à notre Moyen-Âge, supposément. Vous pensez que ça correspond plus à notre Renaissance, c'est-à-dire c'est une période extrêmement active, féconde, la dynastie des Song. Et cette dynastie des Song au 11e, 12e siècle, Stéphane Feuillat, me disiez-vous avant cette émission, voit un changement, là encore, dans le rapport que l'on peut avoir au ciel. Ça n'est pas simplement une question de pouvoir sur les hommes, c'est autre chose qui se met en place à ce moment-là. Oui, la dynastie des Song est un moment dans l'histoire de la pensée chinoise assez crucial. On parle dans l'histoire de la pensée chinoise d'un moment Han, donc de la dynastie des Han. Donc le troisième avant de notre ère et deuxième après. Deuxième après, et d'un moment Song, donc à près de 800 ou 1000 ans de distance. Donc les historiens et les Chinois considèrent qu'il y a véritablement deux périodes qui sont assez différentes. La dynastie des Song correspond à un moment de refondation en fait de la pensée chinoise qui essaie de se revenir au fondement de sa propre culture, mmh, et propose une lecture nouvelle de la pensée confucéenne. Tout d'abord parce qu'elle a besoin en fait de refonder politiquement le régime. Après les royaumes combattants. Après les royaumes combattants. Et donc après des siècles de bagarres et de tiraillements et d'éclatements, pourrait-on dire, de cet espace chinois. Oui, c'est-à-dire que après les royaumes combattants, après la chute de la dynastie des Han, suit cette période de désunion de 300 ans, vient la dynastie des Tang qui se place dans la continuité de la dynastie des Han. Puis cette dynastie des Tang sombre au début du 10e siècle et disparaît pour, là encore, conduire à un morcellement pendant à peu près une soixantaine d'années de la Chine en multiples royaumes. Et la dynastie des Song arrive au pouvoir en 960 avec pour objectif de ne pas commettre les erreurs des dynasties précédentes ou des royaumes précédents et donc asseoir véritablement son pouvoir en le légitimant d'une nouvelle façon. Et ils entendent donc s'appuyer sur une relecture mais radicale et nouvelle de la pensée confucéenne ancienne en faisant fi de presque 1000 ans d'histoire, mmh, en disant entre Confucius, Mencius et nous, il n'y a rien. Et donc, on peut relire à nouveau frais, avec des yeux nouveaux, d'une certaine façon, cette pensée confucéenne de Mencius. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont, donc, ce faisant, ils disent qu'il n'y a rien, mais en fait, ils utilisent la pensée taoïste d'un côté et la pensée bouddhique de l'autre, qui vont irriguer, en fait, les réinterprétations du confucianisme. Mais l'idée qu'ils développent, c'est que l'on peut refonder presque ontologiquement ou métaphysiquement le pouvoir sur une conception générale de la nature. Et ils vont entreprendre une forme de lien qui existait de manière latente, mais sans être jamais véritablement explicité, entre trois termes que l'on trouve dans la pensée chinoise. Le ciel, donc, qui évoque une entité que l'on peut assimiler à la puissance naturelle, d'une certaine façon. D'un autre côté, une autre notion qui est la notion de naturel lui-même, que en chinois on appelle le zhejian, et qui correspond à ce qui est ainsi de par soi-même. Mm-hmm. Et puis une troisième notion, qui est une notion que l'on aussi très très ancienne, puisqu'on la trouve dans le Mencius en particulier, qui est la notion de nature d'une chose, ou la notion de nature humaine. Et ils vont construire à partir de là l'idée que la nature doit être comprise sous ces trois angles. Donc le naturel, ce qui advient par soi-même, ça c'est la puissance du ciel. Le ciel comme entité qui est en fait une entité énergétique. Et puis la nature de chaque individu qui est en fait l'inscription du ciel en nous. Donc c'est ça, c'est ce que je disais en ouverture, le ciel peut être en nous et pas simplement au-dessus de nous, selon la pensée de cette dynastie des Song. Et donc il y a un souci de soi, pourrait-on dire, qui se met en place à ce moment-là, un regard sur soi, l'idée que l'on puisse, alors ce n'est pas la naissance de l'individu moderne, mais quelque chose qui tienne à cette distinction entre ce que nous avons en nous et cette nature qui est autour de nous et ce ciel qui est au-dessus et en nous. Alors le ciel dans cette conception-là va être conçu comme une puissance naturelle qui est la puissance de vie en fait. Donc est céleste la vie en elle-même. Et cette vie, elle est pensée de manière, elle va être pensée plus précisément de manière énergétique. Mais d'une certaine façon, tout ce qui est vivant possède cette puissance, hein. Puisque le ciel, c'est en fait la production vitale. Donc il s'agit en fait, disent les penseurs de cette époque-là, en particulier les penseurs qui font ce travail de relecture radicale de la pensée de Confucius, que l'on appelle dans les néo-confucéens. Ces penseurs-là considèrent en fait que le ciel, il n'est pas hors de nous. Donc il n'y a pas, comme on l'a dit pour d'autres périodes, l'intention du ciel d'une certaine façon, mais le ciel, il est en soi. Voilà, c'est un ciel intérieur. Il y a une très très belle formule d'un auteur sur lequel j'ai un petit peu travaillé, qui s'appelle Zhang Zai, et qui est l'un des grands refondateurs. Vous n'avez pas un petit peu travaillé, vous avez fait votre thèse dessus en l'occurrence. Oui, en l'occurrence, oui, j'ai beaucoup peiné et sué sur cette thèse, mais c'est en l'occurrence un penseur de l'énergie, du souffle, et donc le souffle, en fait, c'est d'une certaine façon la force du ciel, hein, la force de vie du ciel. Et lui a une très belle formule, il dit qu'il, en fait, le travail de l'homme, c'est de ne pas ensevelir son ciel. C'est-à-dire, en fait, maintenir actif cette puissance céleste, qui est une puissance, en fait, de renouvellement et de transformation. Qu'est-ce que la joie céleste, justement, chez ce Zhang Zai, c'est ça, comme ça qu'on prononce? La joie céleste, en fait, c'est lorsque, précisément, on a réussi à partir de pratiques assez complexes, d'ailleurs, de culture de soi, à maintenir, en fait, cette force de vie. Une fois que cette force de vie est constamment maintenue à tout instant, alors il est possible d'atteindre une sorte de plénitude du vivant, qui débouche sur de la joie. Alors, cette joie céleste, vous le mentionnez, c'est donc, on est au XIe siècle, en l'occurrence, de notre ère. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir jusque à notre époque, en l'occurrence, avec vous, Stéphane Feuillas. Est-ce que on voit ce souci de soi, ce ciel en tant que nature incarnée, pourrait-on dire, intégrée à soi-même, disparaître dans la pensée chinoise plus tard, au profit d'un retour, comme on l'a dit, presque cyclique, à d'autres versions, d'autres visions, justement, de cette injonction du ciel qu'on avait pu voir au tout début de notre discussion, Stéphane Feuillas. Alors, globalement, en fait, la pensée des Song qui va promouvoir, effectivement, dans la pensée confucéenne, le souci de soi, la culture de soi, va se poursuivre pratiquement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mmh. Donc, il y a un long courant, c'est pour ça qu'on parle d'un moment Song de la pensée chinoise. Jacques Le Goff parlait du long moyen. Moyen-Âge pour jusqu'à la veille du XVIIIe siècle, une structure qui n'aurait pas bougé. Là, en l'occurrence, la pensée des Song va plus loin que la dynastie des Song elle-même, c'est oui, ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend les grands penseurs de la dynastie des Ming, et puis le début de la dynastie suivante, la dynastie des Qing, à partir de 1644, ils se placent dans un premier temps dans l'élucidation toujours plus claire de certains aspects de la pensée de la pensée des Song. Donc il va y avoir un mouvement très continu, en fait, qui consiste à dire que l'homme doit développer son potentiel qui fait, c'est-à-dire son ciel, c'est-à-dire son potentiel de vie et son potentiel de transformation. Ce faisant, donc, l'homme devient non pas véritablement un individu, mais devient quelqu'un qui est capable de se transformer en permanence et de transformer autrui. C'est ce que les Chinois appellent... Dans la relation à l'autre, évidemment. Dans la relation à l'autre, c'est ce que les Chinois appellent le sage, et qu'on peut traduire de manière plus large comme l'homme accompli. Mmh. Et véritablement homme, celui qui a maintenu son ciel en lui, c'est-à-dire ses capacités de transformation. C'est-à-dire l'homme qui est véritablement homme, disent ces penseurs des Song, c'est celui qui n'est jamais engourdi, celui qui est toujours alerte. Et ça, c'est le ciel. Le ciel, c'est ce qui se transforme continuellement, qui ne cesse de se transformer et qui produit toujours des effets bénéfiques. L'homme qui est accompli, c'est l'homme qui a préservé son ciel, qui influence autrui comme il est influencé par autrui, ce qui fait qu'il n'est jamais un individu au sens où il serait reconnaissable, mais c'est quelqu'un qui est toujours en transformation. Alors ce mouvement-là se poursuit effectivement jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, et il va être progressivement remplacé par d'autres conceptions. L'irruption avec les jésuites du christianisme, on n'a plus que quelques minutes, malheureusement il nous reste 3 ou 4 minutes maximum avec vous, Stéphane Feuillas, on n'ira pas jusqu'au bout de notre discussion sur cette notion de ciel dans la pensée chinoise, mais l'irruption du christianisme ou l'irruption par les armes des Européens au XIXe siècle, est-ce que cela change quelque chose justement dans cette conception que pouvait avoir la pensée chinoise de la place du ciel dans la vie et dans la culture chinoise? Alors, à partir du milieu du XVIe siècle et puis au début du XVIIe siècle, la pensée jésuite les jésuites vont d'abord physiquement pénétrer sur le sol chinois et vont avoir beaucoup d'influence parce que ils vont se dire tout qu'on fait ce souverain d'en haut qu'on trouve dans des textes, ça peut être notre Christ ou notre Dieu à nous d'une certaine façon. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont se trouver face à un problème véritable, c'est-à-dire que comment traduire le Fils du ciel en chinois? Et le Fils du Ciel, c'est l'Empereur, donc on peut pas traduire de cette manière-là. Donc ils vont proposer une autre traduction qui va être le Maître du Ciel, et cette traduction du Maître du Ciel va entrer immédiatement en conflit avec le Fils du Ciel. Ah oui. Au fond, le Maître du Ciel, c'est celui qui est supérieur au Fils du Ciel. Donc l'Empereur aurait au-dessus de lui quelqu'un, et ça n'est pas possible. Et ça, c'est absolument pas possible, donc ça implique des sortes de conflits de légitimité chez les Chinois, ou de confiance. À qui dois-je accorder ma confiance, au Fils du Ciel ou au Maître du Ciel? Donc, ça va donner la querelle des rites et le Vatican va être de manière assez dogmatique d'une certaine façon et va empêcher en fait va limiter la pénétration du jésuitisme en Chine. Et ça c'est un premier temps et puis le 19e siècle peut-être pour conclure alors. Et puis au 19e siècle, il y a à partir des guerres de l'opium hein, donc il faut là j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'on a trop tendance à l'oublier, mais les guerres de l'opium c'est le désir pour l'Angleterre de trouver des débouchés à l'opium en Chine, et donc ils ont quand même mis un pays sous opium hein. Donc on l'oublie de manière un petit peu générale, mais en même temps, on l'avait déjà rappelé dans des émissions précédentes, mais faut le dire. En même temps qu'il y a cette pénétration donc militaire et de l'Occident, il y a aussi une pénétration intellectuelle, et le ciel va disparaître véritablement au profit d'une autre notion qui va être modelée sur la pensée occidentale, qui est la notion de nature. Merci beaucoup, vraiment, Stéphane Feuillaz, d'avoir été aussi précis, aussi clair dans cette longue évolution qui courait, il faut bien le dire, de 1500 avant notre ère jusqu'à 1900, aux portes de 1900. C'est très très long pour 50 minutes de discussion avec vous autour de cette notion de ciel pour compléter et terminer notre série sur l'histoire du ciel. Vous pouvez nous conseiller quelques ouvrages ou quelques articles sur ce sujet-là, Stéphane Feuillaz. Il y a évidemment, je l'ai cité, Han Cheng, l'histoire de la pensée chinoise. Oui, l'histoire de la pensée chinoise d'Han Cheng est un ouvrage très très accessible. Il y a un certain nombre d'ouvrages de Marc Kalinowski, qui est un spécialiste de la divination dans un premier temps, mais qui a publié un très bel ouvrage dans la collection des Belles Lettres sur la notion de destin, où on trouve de très très belles choses sur le ciel. Merci beaucoup à vous, Stéphane Feuillaz. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Myriam Guillot était avec nous aujourd'hui à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Et n'oubliez pas, après-demain, samedi, France Culture vous donne rendez-vous à la Sorbonne pour le forum consacré au sexe et au pouvoir. Et pour notre part, à 10h, nous ouvrons ce forum avec un débat avec, entre autres, Michel Perrault, Clyde Plumosil et d'autres chercheuses et chercheurs autour de la question de révolution sexuelle. Les révolutions sexuelles sont-elles donc à l'origine des changements dans l'histoire ?